Ok, merci, merci beaucoup. Alors maintenant, on va enchaîner par une petite histoire véridique. Samedi matin, la Clio pleine avec de bons fins. Heureux à trois, on s'est enfui comme ça. Les poches remplies de yeux et de tagas. On s'en allait direction Brésilien. C'est sunshining que la Bretagne est belle. La route fut longue, tranquille et puis zen. Je prends des photos avec mon appareil. Mais ça m'évoque, sur la route y'a un problème. Ils sont tous bleus avec la même rengaine. Seul de t'attraper et de te déranger. Donc méfiez-vous des gens qui surveillent. Tranquille, facile et bien reposé. J'aimerais rester paisible avec mon tarpé. Mais c'est sans compter sur tous ces gens assermentés qui refusent toute fumée. Toute fumée est déclinée. Attention, attention, voilà les douaniers. Toute fumée est déclinée. Attention, attention, voilà les douaniers. Oh, mes amis, est-ce que vous avez envie de bouger? Hey, oh, oh. Au festival, au programme de la balle, on va faire carnaval. En pleine sortie de la voiture, mais qu'est-ce qu'on voit là? Une meuf, un mec, ils demandent son fait là. On est venu faire la fête avec tous ces gens. Je dérange personne quand je mets mon coupon. Elle n'a pas apprécié que je me fous de sa gueule. Ils ont tout tourné, mais ils ont trouvé que. Tranquille, facile et bien reposé. J'aimerais rester paisible avec mon tarpé. Mais c'est sans compter sur tous ces gens assermentés qui ne peuvent se fumer. Toute fumée est déclinée. Attention, attention, voilà les douaniers. Toute fumée est déclinée. Attention, attention, voilà les douaniers. Oh, on s'énerve encore une fois contre ces enculés de douaniers. Vous énervez contre ces douaniers! Merci beaucoup. Est-ce que ça va? Bon, à pas oublier que ce soir, grande soirée, hein. Vous avez du son au moins jusqu'à 4h du matin ici sur cette scène, hein. Donc ça va donner. Ok, on va vous raconter une petite histoire. Pour raconter aux gens qu'il y a un peu trop de risques et qu'il faut se battre. Allez, gueule.